feu dans tes oreilles. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le pilote d'aujourd'hui à Assemblage requis. Justine Renaud sera avec nous pour faire tourner l'album qui l'a marqué dans Justine au platine. Stéphanie Parazzi nous fera découvrir de la nouvelle musique dans le poste d'écoute et on dépensera notre paye en une seule transaction. En 5 existe, mais ça ne devrait pas en là. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 16 avril 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut, Steph. On est à peine 10 minutes en retard aujourd'hui. Moi, j'étais à l'avance. Oui, c'est ça. Ben oui, en effet. Tu dis « on », là, mais moi, j'étais là. On est à l'émission, l'entité de l'émission. On n'est pas là pour se vanter notre avance dans le temps, Steph. Hein? Ah, mais pour une fois! Non, mais t'as bien fait ça. C'est mon erreur, ma faute. Mais bon, c'est pas grave. On va commencer l'émission là, puis on va faire un 2 heures quand même, puis tout va bien aller. Mais avec tout ce qui est rediffusion et tout ça, ça paraîtra même pas. Ça, les gens savent même pas qu'on est en direct en ce moment et qu'il est 7h42 10 secondes. Ah, j'ai 43, moi. Donc, tu vois, encore à l'avance. Donc, bienvenue à l'émission Bastille en pièces attachées. Aujourd'hui, à l'émission, on va voir le poste d'écoute en toute fin, à 9h. OK, oui. Tu vas nous parler de différents domaines de l'étude, comme les langues, les arts. Oui, et ouais, c'est ça. Environ. Tu résumes pas mal l'ensemble. C'était très difficile pour ce matin. Pas parce qu'il y avait rien, parce qu'il y avait trop de choses. Ah! Fait que j'ai dit, ben, quoi, si jamais les prochaines semaines sont plates. C'est comme trop de glace sur une voiture, c'est dur à enlever. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu roules avec de la glace. C'est pour ce que tu t'en vas. Ça crèvera un œil, c'est pas même grave. Crève un œil? Je sais pas. Comment tu fais pour crever un œil avec une voiture? Avec un gros bloc de glace et quelqu'un qui aurait levé son toit ouvrant parce qu'il pensait que c'était l'été jusqu'à hier. T'as soit l'antenne de radio dans l'œil. C'est ça. C'est ça. On a aussi Justine Renaud qu'on accueille à l'instant. Bonjour. Bonjour. Cela va. C'est comme un Il veut savoir si ça va. Ouais. J'ai compris. Cela va. Comment est-ce que Oui, en me lavant, je... Moi, je pensais qu'il parlait de Sullivan, hein, tu sais, le monstre dans Monstre Inc. Ou Sullivan, le nom de famille. Ou O'Sullivan, le nom de famille, version irlandaise. O'Sullivan. O'Sullivan. Ou la version cochonne. Tu crées le nom de ton Sullivan. Sullivan. Donc, c'est Justine O'Renaud. Hey, sérieux, j'ai dit ça irlandais. Mais moi, c'était des... Attends, faut pas que je me trompe, là. Hayes. Moi, c'était les Hayes. C'est la famille Hayes qui est venue ici au Québec, là, dans le coin, probablement, des inondations de patates en Irlande. Dans le film, il pue des patates. C'est des hamburgers, je pense. Je pense que mon arrière-grand-mère, ou je sais pas si c'est mon arrière-arrière... Était une patate. Non! Son nom, c'était Gertrude. Tu pouvais interchanger ses yeux, son nez. Oh my God, et Madame Patate. Non. Elle s'appelait Gertrude Hayes. Salut. Typique. C'est très typique, ça, Gertrude Hayes. Non, mais Gertrude. On sent-tu que c'est pas mal plus hot que dire Gertrude? C'est Gertrude en anglais. C'est clair que Gertrude, c'est cool. C'est comme, il y a tout le temps l'équivalent, mettons, de, l'équivalent de Ginette, mettons, Jeanette. C'est pas mal vu comme nom, comme prénom aux États-Unis, Jeanette. Non, mais c'est pas... Ginette, par contre. Non, mais c'est plus le Jeanette. Ouais, Jeanette. C'est Jeanette, pas Ginette. Ça vient sûrement dans la même place. Non! Ah, Jeanette, c'est un J. Ouais, mais Gertrude, même en anglais. Peut-être pas en Irlande, c'était une patate. Bertha. Bertha. Bertha? Non, Bertha, Bertha, les deux sont ça. En tout cas, c'est volumineux. On vous salue, vous et toute votre église, j'imagine, sûrement. Les gens à cet âge-là sont sûrement, en ce moment. Peut-être pas. Peut-être pas. Donc, aujourd'hui, c'est ça, c'est le plan de notre émission. On va commencer là parce que, honnêtement, on a déjà perdu 15 minutes, c'est assez. Hein? Oui, puis on va en perdre encore plus de temps parce que tout à l'heure, j'ai une chronique assez volumineuse. Oh, c'est une Bertha. Une Bertha de chronique. Là. Voilà, une Taberta. Une Taberta. Ou, en irlandais, Omerta, d'où l'émission de TV dans le temps. Oui, on sait que c'est en irlandais, Omerta. C'est clair. Donc, on écoute une nouvelle entrée de Tough Meats du côté anglophone, c'est la 17e place. Voici Crusts and Crumbs pour ceux qui vont manger leur croûte et leurs miettes de pétate. Oh, des miettes de pétate. Miam, hein? On se donne faim un matin? Des pétates. Si on n'avait pas perdu 15 minutes, on pourrait déjeuner, mais... Thank you. voice only contributes to lies. Insinuations of beta and masculine. Alpha's just a term for you. Ordinary chance. I'll be a bitch and I'm living in sin. If you tell me if it's into the hive. This living liquid is livid with estrogen. And nothing ever seems to make sense when you didn't rhyme. I've had requests to take a hotline. And keep it in mind, mind. A solid dollar in the barrel is all mine. Loving for apples is a sexless blind. For I'm a pedigree, I'm just a peony. I'm so unhappy that when I'm alone, I feel okay. Comfort comes in ways. Tough Mits et Crust and Crumbs, une nouvelle entrée du palmarès anglophone sur leur maxi Tough Mits EP à Assemblage Recul. Hein, ça, c'est le choix de Stéphanie, en fait. Ouais, c'était bon, hein? C'est moi qui ai trouvé ça. On la félicite, bravo. C'était un finaliste pour le. Pour le poste d'écoute. Ce qui nous amène à Justine Renaud. Ne perdons pas plus de temps parce qu'elle est là et elle est prête toujours sur le bord de sa chaise. C'est Justine au platine. This music is my getaway. I think about it every day. Let's see what they gon' talk about when I let it all out. Hey ho! Ho, hey! Oh hey, hey Matelot. Ho! Ah oui, c'est ça. Salut, capitaine. Hey, c'est Justine Renaud et Justine au platine. Évidemment, la chronique où on retourne en arrière, un petit peu dans sa jeunesse, en ordre chronologique pour découvrir, pour redécouvrir avec elle, peut-être, certains artistes qui l'ont marqué dans sa vie. Oui, qui m'ont marqué avec un fer chaud. Oui. Je sais les fesses. Non, on est rendu. Ah oui? On c'est notre. Voir? Non. Notre avant-dernier. Mais les auditeurs ne pourront pas voir avec leurs oreilles. Caméra 3. Je peux leur faire entendre. Mais des bon. Fesses. Donc, ma chronique, comme vous le savez, ça fait un retour, dans le fond, de toute ma vie en ordre chronologique. Avec des disques qui m'ont marqué. Oui. Là, on est rendu à l'avant. Ben, dans le fond, moi, dans mon cas, moi, c'est l'avant-dernière chronique. Oui. La semaine, pas la semaine prochaine, l'autre semaine. La parce semaine que du 28, tu vas en avoir une dernière. Bimensuelle. Exactement. Je suis semi-hebdomadaire, bimensuelle. C'est comme le zone campus. C'est ça. Je suis belle des affaires. L'autre semaine. J'ai beaucoup de contenu, ça veut dire. Si je suis comme le zone campus. Tu tâches les doigts. Faut juste pas se licher les doigts avant. Ah! Bon. Ou, tu sais, là, il existe des petites affaires en rubber. Okay. Oh, vous tournez pas! Oui! Tu peux utiliser ça avant de me faire tourner. Non, mais. Waouh! C'est allé à un drôle d'endroit, tout ça. Pourquoi? En tout cas, voilà. Je voulais juste mentionner que là, on est sur le bord de finir ma chronique. OK? Il m'en reste un et je suis loin d'avoir fait le tour. Donc, je voulais m'en excuser pour ça. Je pense qu'il va falloir que. Mon Dieu, que je reprenne où ce que j'étais, rendue, pas cet été, non. Mais peut-être l'année prochaine, okay. À l'année académique prochaine. Cet été, tu ne feras pas de chronique du tout ou tu vas prendre autre chose? Mais je vais probablement faire une chronique, sauf que je vais être partie une bonne partie de l'été. C'est vrai. Oui. Hein? Avec Chantal Lacroix est partie pour l'été. Chantal Lacroix est partie? C'est son nom d'émission dans le temps. Ah, sérieux? Je savais pas. Excuse-moi. Voilà. C'est genre de la culture générale que je n'ai pas. C'est ça. Mais... Il y a juste moi qui ai ce genre de culture générale-là. Demain. Non, je sais que de quelle émission demain. Ah, tu parles. Merci. On se comprend. Oh, des inside. Non, pas TQS, tant. C'est pas vraiment inside, TQS. Oh. C'est très outside comme. Oh, c'est très non-existant. C'est ça. Je sais pas qualité. Cette semaine, il a fallu que je fasse des choix déchirants. Donc, j'ai déchiré mon linge, j'ai déchiré le journal, j'ai tout déchiré pour finalement arriver à un seul choix. Un seul choix d'artiste qui m'a marqué, dont l'album, pendant que j'étais au cégep, là, a vraiment tourné beaucoup dans mon disque Man Bleu. C'était Björk. Oui. Première leçon d'Islandais, parce qu'elle est islandaise. Comment prononcer son nom de famille? Gudmundsdóttir. Donc, si on a des auditeurs islandais en ce moment, parce qu'on sait que nos antennes diffusent jusqu'en Islande. Je parle pas de la web diffusion, je parle vraiment de... Nos antennes. On a vraiment là, notre radio à torche jusqu'en Islande. S'il y a des gens qui écoutent, s'il vous plaît, me dire comment ça se prononce. J'ai essayé de trouver... En fait, il aurait vraiment juste fallu que j'aille comme sur un interview ou quelque chose puis que je découvre comment ça se prononce. Mais c'est pour trop compliqué. Pour qu'ils nous le disent, l'Inde. Islande. Ouais. Mais ça sonne comme une elfe, donc... C'est QFD. Björk est une elfe. C'est pas compliqué. Elle vient de l'Islande. Moi, je pense que tous les gens qui viennent de l'Islande sont soit des elfes ou des archers. Ou les moins beaux, c'est des trolls. Des archers. Bref, c'est ça. Donc, elle est née un 21 novembre. On a découvert tout à l'heure que ça veut dire qu'elle est scorpion. Ben oui, c'est limite presque Sagittaire. Et limite presque Sagittaire. Donc, elle a des grosses pinces et un gros cul. Donc, ça pour dire qu'en 1965, Naki Björk... l'artiste que vous avez probablement déjà entendu parler, elle est connue pour sa fameuse robe aux Oscars. Oui. Sa en robe. Oie, genre. C'était comme des oies ou une oie? C'était un cygne. Cygne, un cygne. C'était un cygne. Comment? C'était comme un tutu. Le corps du cygne, c'était son tutu. Elle avait le cou enrobé alentour de. Et qui pendait par-dessus sa tête, son cou. Je ne sais pas comment le dire. C'est spécial. Ça a été très, très critiqué. Mais c'est pas ça. Oui, c'est le genre. Oiseau. C'est ça, c'est mieux que s'habiller avec de la viande comme l'autre. Oh oui, ben c'est ça. De la viande d'autruche, c'est prochaine ça. Étape. Mais elle est connue d'ailleurs là, plus pour son style de musique éclectique, là, au-delà là, de son style vestimentaire un peu weird, douteux, etc. Quasiment du role-playing de oiseau. Mais... critiquement parlant, là, la critique aujourd'hui là, la reconnaît comme une des plus grandes artistes en rock alternatif, jazz, électro, danse, bizarre avant-garde islandaise. C'est précis. Hein, c'est probablement l'artiste islandaise la mieux connue à l'entour du monde. C'est la seule dans ce style musical-là. C'est la seule dans ce style musical. Au total, elle aura composé 8 albums, tout ça dans sa carrière en 1977, mon Dieu, elle a commencé jeune, et 2011. Elle avait 22 ans quand même. En tout cas, bref, je trouvais ça jeune. 1967 à 2011, récemment, on n'a pas entendu beaucoup de ses nouvelles. J'imagine qu'elle doit être en train de se refaire une petite santé musicale, je sais pas. À un moment donné, quand t'as trop écrit d'albums, j'imagine qu'il faut que tu fasses... Tu sais, comme dans les chants, là. Tu laisses du temps, là. Oui. Jachère. Jachère, exact. Jachère. Bon, oui, Björk est en jachère. L'ami à Zaché. Zaché et Jachère. C'est Jachère. C'est ça. Jachère. Ouais. Björk est en jachère. En Zachère. Jachère. Est en jachère. On pourrait dire, mettons, que Björk a débiarqué un petit peu de la game, tu sais. Oh, elle a débiarqué. Débiarqué. Débiarqué. Elle est vraiment bonne. Mais non, je pense qu'elle va rembarquer dans la game. Mais l'album en particulier que je veux vous parler, parce que je peux même pas vous parler de toute sa carrière, tellement que sa carrière a été assez bizarre. Et en tout cas, on serait là demain matin, puis il y a des gens qui vont entendre après nous, puis seront pas contents. L'album que j'ai reçu en cadeau, je pense que c'était un cadeau de Noël, ma mère m'a acheté ça, c'était l'album Homogenic, OK? En 1997. Elle venait juste de terminer l'année 1996, si je sais bien compter. Et elle avait fait une super de longue tournée. Et à son retour à sa maison, Made of Valley, Made of Vale, en tout cas, ça sonne vraiment super elfique, là. Bref, elle retournait en Islande. Elle s'est dit, j'ai besoin d'une thérapie, je vais commencer à écrire d'autres chansons. Mais dans son but premier, comptait celui-ci, c'était d'avoir un son simple et un goût unique, dans le sens de « one flavor ». OK? D'où le titre de son album, Homogenic. Au début, elle voulait appeler ça « Homogenius ». Ah ben, c'est bon ça! De, mais ça, ça fait un peu gay, peut-être. Gay? Un petit peu gay, peut-être. Je sais pas. Mais je pense que probablement qu'ils se sont dit... déjà qu'il faut qu'ils essaient de prononcer mon nom. S'il faut qu'ils essaient de prononcer mon album en plus, c'est sûr et certain que je ne me rapporte pas aux billboards. Pendant... l'enregistrement de l'album, il s'est passé un paquet d'affaires. Entre autres, elle a utilisé des méthodes absolument peu orthodoxes pour faire son album. J'arrive pas à... En tout cas, moi, je trouve ça super drôle. Elle utilisait des gens non professionnels, mais un peu, je pense, sur le coup du moment, sa gardienne, Rebecca Story. Elle n'a aucun background en musique. Rebecca Histoire. Rebecca Histoire. Non, son nom, c'est, son nom de famille était plus que Story, comme un three-story house, okay, comme un étage. Oui, c'est ça. Rebecca Étage. Elle n'avait aucun background en musique. Et parce qu'elle s'est intéressée à l'équipement en musique, a décidé d'utiliser son aide dans la production de son album. Moi, je dis, ah, elle garde mon enfant, je vais l'utiliser parce qu'elle s'intéresse mon... En tout cas, deux genres de pratiques bizarres un peu comme ça. Et l'album, elle, Björk, disait qu'elle voulait que ce soit un peu comme un hommage à l'Islande. Là, on en retourne tout le temps à l'Islande. Mais elle voulait que ça sonne un peu comme un volcan tout rugueux, mais recouvert de mousse. Mais pas de la mousse-mousse, là, comme du lichen. De mousse-mousse. Comme dans le lait homogénéisé, d'où le nom de l'album, j'imagine. Voilà, exactement. Et on sait qu'en Islande, là, il y a beaucoup de volcans. C'est un terrain volcaneux. Là, very, volcaneux, comme disent les scientifiques. Là. Et voilà, exactement. Et elle voulait vraiment que ça rappelle un peu là, les éléments, les tremblements de terre, les tempêtes de neige, puisque là-bas, il y a de la neige. Ah. Il y a des montagnes. Il y a toute ça la va beau, hein? Ça va beau. Et je vais vous faire entendre tout à l'heure sa musique, tout à l'heure, là, tu sais. Pas tout de suite, parce qu'il y a vraiment une super de longue histoire à raconter avant. C'est super intéressant. C'est intéressant, là, oui. Ça devient intéressant à partir de là. Écoutez. Marqueur, ici. Marqueur, là. On va couper le début. Jalon. Jalon. Comment? Jalon. Jalon. Hey, j'avais compris chaudron. Non, un jalon. Un jalon. Je me demandais. Réveil. C'est ça. Donc, sa musique est un mix d'électro, mais aussi de cordes, donc des instruments. Puis elle a dit dans le fond que la portion électro, c'est vraiment comme les volcans rugueux. Et la portion corde, c'est vraiment plus comme toutes les... Non, c'est l'inverse. C'est les cordes qui sont la nature. Oui. Oui. Et l'électro qui sont comme la population qui est tout à fait au même rythme que le reste de la planète. Mmh. En Islande, c'est pas vraiment des elfes, puis non, ils chassent pas pour manger. Donc, c'est vraiment comme un mix des deux mondes. Un monde très, très, très moderne, mais un monde très en symbiose avec la nature. Donc, c'est ça qu'elle voulait refaire avec son album. Mais son album est sorti comme super plus longtemps après. Pourquoi? Son album est sorti plus longtemps après parce qu'elle avait un... comme on dit en anglais, un stalker. Donc, quelqu'un qui était follement en amour avec. C'est et ça. Lui, ce gars-là, lui a envoyé une bombe. Les deux. En même temps. C'est là que ça devient intéressant. Là. Lui a envoyé une bombe. Son nom, c'est Ricardo Lopez. OK? Je vous jure, il y en a à peu près 10 000 sur la planète. Là, mais c'est lui, c'était Ricardo Lopez. puis il a envoyé une bombe par la malle en 1996, OK? Puis ça, ça a retardé toute la sortie de son album. Mais ce gars-là, c'était vraiment... Mais quand il est sorti, pow! Non, non, hey, non, non. Je vous jure. OK, il est vraiment fou. Je veux juste dire, Ricardo Lopez, c'est un jeune homme né en 1975. Ça veut dire qu'en 96, il avait quoi? 21 ans, OK? Et ce gars-là, il venait de l'Uruguay, d'une famille moyenne. Il était super proche de sa mère. Plus tard, il a été diagnostiqué avec le syndrome de Klinefelter. Ça veut dire qu'il y avait deux chromosomes X puis un chromosome Y, ce qui faisait en sorte qu'il y avait une physionomie disons féminine, ouais. C'est vraiment ça existe ce syndrome-là, mais il était aussi atteint de troubles de la personnalité schizotypique ou simplement le trouble schizotypique qui est en fait un trouble de la personnalité caractérisé par un besoin d'isolement social, de l'anxiété avec pensées et comportements bizarres. Et là, juste envoyer une bombe à une star comme ça, c'est assez bizarre, merci. Je sais pas. Mais oui. Lopez était vraiment très dans la pornographie. Il aimait beaucoup la pornographie. Il aimait beaucoup le monde des stars. Lui-même disait qu'un jour, il voulait devenir un annonceur de prix, ceux qui annoncent les prix, au MTV Music Awards. Il y avait des espèces de fantaisies comme ça, complètement loufoques, mais il était surtout, surtout obsédé par Björk. Fait que lui, il s'est dit, moi, j'ai 21 ans, on est le 14 janvier 1996, Björk, elle vient de casser avec son chum Goldie, qui était un rappeur noir. Lui, il était super raciste, Lopez. OK. Fait que lui, ça l'a comme... Il y a tout pour lui, comme... ce gars-là. Hein? Il y a tout pour lui, ce gars-là. C'est ça. En tout cas, bref, le fait qu'elle sortait avec Goldie, ça l'a complètement rendu fou de rage. C'est dit, en tout cas, dans son journal intime, le décrivait avec toutes sortes d'insultes raciales, plein d'insultes vraiment de mauvais goût. Puis lui, il se dit, moi, je vais envoyer une bombe. Je me suis dit, si je peux marquer Björk, je vais être la personne qui va l'avoir le plus marqué. Ben oui. Physiquement, tu sais. C'était une bombe à l'acide sulfurique, donc j'imagine que c'était censé exploser puis lui envoyer de l'acide sulfurique. Mm-hmm. Avant, il pensait lui envoyer du VIH, mais il s'est dit que c'était pas faisable, ben. Fait qu'il y avait ce genre de lubie-là un peu bizarre. Mais il l'a fait vraiment, OK? Wow. Il a filmé tout le processus de ces quelques mois-là quand il fabriquait la bombe. Il s'est filmé 18 heures de filmage qu'il a donné au FBI, c'est-à-dire il s'est tué en envoyant le paquet. Okay. Il a laissé ça pour le FBI. La caméra tournait dans son appartement pendant que le FBI l'a trouvé. En fait, c'était les résidents d'en bas. Ils recevaient du sang, puis ça sentait vraiment mauvais. Wow. Fait qu'il y avait des gouttes de sang qui vraiment là, qui dégoûtaient dans l'appartement d'en bas. Puis eux autres, ils ont appelé ben, la police. Puis en tout cas, ils ont trouvé ça. C'était vraiment bizarre. Mais finalement, le paquet, il a été intercepté je sais pas dans quel pays européen, mais il a été intercepté, il n'a jamais été envoyé à Björk. Il a été désamorcé, etc. Mais on s'entend-tu que le gars, il était troublé. Fait que là, Björk, elle a appris tout ça, bien entendu, sachant qu'elle était visée par un paquet d'acide sulfurique et d'un gars qui avait le syndrome de Klinefelter mélangé avec un trouble schizoïde de la personnalité. Mais tout ça pour dire qu'elle a dû retarder la sortie de cet album-là. Je pense qu'on comprend. L'album a tout de moins été un de ses plus acclamés par la critique. On parle vraiment là, de 5 étoiles sur 5 pour la majorité des magazines. Là, ça, c'est assez rarement vu. Des choses comme le top 20 des meilleurs albums électro de 90, parce qu'on le considère quand même comme un album électro. Puis, sans plus tarder, on va quand même aller écouter une petite chanson qui, je souhaite, va vous rappeler un peu l'Islande, ceux qui y sont allés, sinon vous introduire un peu à la matière de ce pays. La chanson s'intitule Hunter, donc de Björk. Bonne écoute! Searching and

C'était All is Full of Love de Björk. Avant ça, on a entendu Unravel. Et juste avant ça, Hunter, la première chanson qu'on a entendue. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu le superbe croque-pot mélange Tupperware KitchenAid entre l'électro et les instruments à cordes. J'avais électro-encéphalogramme. Ah oui, oh, aussi. C'est différent un peu. Ça malaxe pas pareil. Donc, le mélange de ces deux affaires-là rappelle vraiment un peu l'Islande, de la manière que Björk voit l'Islande, c'est-à-dire une société qui est tout à fait moderne, c'est-à-dire la portion électro, mélangée avec leur amour de la nature et leur proximité, dans le fond, avec l'environnement. Tout le côté avec les instruments à cordes. Et bien que si vous voulez la voir en vraie vie, là, de vos yeux vus, je vous conseille pas des petites capsules sur YouTube ni ces vidéoclips qui sont pour la plupart très troublants. Plutôt d'aller voir le film Dancer in the Dark, un chef-d'œuvre de Lars von Trier qui a gagné la Palme d'Or dans le coin des années 2000. Je pense le film est sorti en 2000 et c'est l'histoire dans le fond d'une immigrante qui a un fils. Elle est aveugle. Son fils va inévitablement devenir aveugle et elle tente de trouver un moyen de le faire opérer pour pas qu'il devienne aveugle, mais c'est un drame en tout cas ma foi. C'est censé être une... c'est pas une comédie musicale, c'est un drame musical, c'est pas compliqué. Il y a beaucoup de chants au travers de ça. Au début, Lars von Trier lui avait demandé à Björk de faire la musique pour le film. Finalement, elle lui a demandé de jouer le rôle de Selma, la jeune immigrante. Donc, c'est vraiment une perle de film à voir. Ça va vous jeter les larmes en bas du siège. Ça se dit pas vraiment, mais c'est pas grave. Et c'était ça pour Björk, artiste que j'aime beaucoup, dont l'album... Björk, que t'aimes Björk. Je l'aime Björk, Björk. Pas autant que Lopez, là. Celui Ricardo qui a tenté de la tuer avec une bombe à l'acide sulfurique. C'est pas grave. Allez lire ça sur Wikipédia. C'est vraiment intéressant. Mmh. Wikipédia, Ricardo Lopez et son histoire avec Björk, son amour et tout ça. Wow! C'est louche un peu. En fait, le filmage, là, il a filmé 18 heures de temps sa fabrication de la bombe pour les quelques mois avant de l'envoyer et juste... il a aussi filmé, je pense, son suicide. Tout ça, ça se retrouve sur YouTube. Ceux qui sont un peu plus fuckés et qui veulent aller voir ça. Wow! C'est un peu dark ou Björk? Björk. C'est vraiment mauvais. Moi, je sais, mais là, j'essaie. Moi, j'essaie. Un peu de légèreté, là. Hein? Merci beaucoup, Justine Renaud. Ça m'a fait plaisir. On se retrouve la semaine dans deux semaines. Colin, oui. La semaine du 28. Oui, c'est toi qui me le dis. Oui, c'est ça, je te le dis. Pour la dernière chronique de la saison. Bien oui. sûr. Après ça, on prendra d'autres choses, c'était. Oui. Puis on remercie Ricardo, sans qui l'histoire n'aurait pas été si palpitante. Bien sûr, maintenant rendu chef de parti culinaire. De parti culinaire. Canada, je sais pas trop. Là. Ça ne se passe nulle part, c'est même pas drôle. Hey, mais Ricardo Lopez, là, avez-vous l'impression que c'est un peu l'équivalent de John Smith aux États-Unis? Sûrement. Un peu. C'est tellement générique. Ça pourrait être tellement n'importe qui. Ouais. Mais ce gars-là, il est déménagé aux États-Unis quand il était super jeune. Fait qu'il est né en Uruguay, mais il a déménagé aux États-Unis dans son enfance. Il a été un peu pas aliéné, disons, par sa mère, mais il a vraiment été comme un peu séparé de sa famille, de ses parents. Lui, il était avec son frère qui était dans les pesticides puis l'extermination de rats puis de vermines. Lui, il travaillait à temps partiel pour subvenir à ses besoins. Mais à part de ça, je pense qu'il trippait pornographie puis stardom puis il y avait le syndrome de Klinefelter. Il n'y avait pas grand-chose qui allait pour lui. Wow. Comme pas grand-chose. Comme c'est un homme intéressant. Pauvre gars, oui, en effet. Donc, Justine, merci beaucoup. Dans deux semaines, Justine Renaud. Je t'ai dit pas correct de rire. Hein? Non, too c'est soon. Ça. Too soon. Ouais. Ça fait combien d'années? Ah, plusieurs. 1996. Ouais. Ça va bientôt faire 20 ans, dans deux ans. Ça fait un bon film, en tout cas. Cibole, oui. Ah non, mais il y a deux documentaires qui ont été faits à son sujet déjà. Fait que ton idée, elle marche plus. Je suis un visionnaire arriéré, comme toujours. Ouais, c'est ça. J'ai l'idée. T'es un après-garde. C'est ça, exact. Après-gardiste. OK. Bye. Bye. OK. Parce que les merci, hein. On a donné 5-6 à date, là. Faut se calmer un peu, ces merci. Alors, on prend une pause au retour. On dévoile enfin qui va être au soir et caché ses fous de ce soir. Non. Ben, hey, oui. J'ai out. Restez là. Vous êtes dans la zone 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours Rassemble à Joaquin, ce mercredi 16 avril 2014, et Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui! Tu sais, une fois de temps en temps, quelques fois par session, plusieurs, certains diraient multiples fois. Oui. Hein, on a une soirée cachée, c'est fou. À l'université, c'est Cifou qui organise ça, mais avec un petit comité qui n'est pas littéralement l'équipe de Cifou. Et on reçoit justement ce dit comité. Donc, Jonathan, Côté. Hey, bon matin. Salut, ça va? Ça va très bien, oui. Camille, Max, Camali, qu'on l'appelle? Camali? Carmélie? Oui, oui. C'est oui. ça? Salut, ça va? Salut, ouais, oui. C'est ça, ouais. Okay, donc, les deux sont là pour nous présenter le groupe des soirées cachées de ce soir. Et on va faire ça dans le format devinette, comme on aime. Oui, évidemment, Mathieu. Tu vas prendre ta voix, hein? Oui, bien sûr. Parce que là, il est préparé. La dernière fois, on n'avait pas trop d'indices. Fait qu'on, c'était le fun pareil. Mais cette fois-ci, mettons que j'entends même la musique commencer. Ouh. Ouais. Ouh. Hello, Mathieu. Oh, bonhomme. Et bonhomme qui est bon. OK, là, officiellement, t'es le nouveau... excuse-moi, Steph, mais le nouveau gagnant de la voix du Parfoura. Juste avec ce mot-là. Garde, écoute ça. Hello, mesdames et messieurs. Mais oui, mais c'est un gars, c'est sûr qu'il a plus la tonalité que moi. Mais en tout cas, je sais pas, mais il gagne. Fait que bon. OK, je suis prêt, Stéphanie aussi. On va essayer de deviner, parce qu'il y a plein d'indices. J'ai entendu des affaires à travers les branches, Steph aussi. Oui. J'ai pas entendu grand-chose. Non, mais vous allez être trop bon, je suis sûr. Ça va être trop facile pour vous de deviner. OK. Hein? Alors, premier indice pour l'invité de ce soir, ma chère Camille. Il connaît ton nom, je pense. Oui, mais ils ont lancé leur album le 20 mars dernier. Assez récent. 20 mars. Hein? Je connais pas les dates de sortie, ça m'aide pas en tout. On les reçoit à l'avance, souvent nous autres, on est tellement à l'avant-garde. Ah, ouais, ça, c'est ça. La date de sortie était le 18, je ne sais pas exactement. Okay. Tout ça pour dire, il est présentement au palmarès. OK, donc top 40, top 20 franco, top 20 anglo, on a ça. J'ai ça dans ma face. On a même des pochettes pour ce... Faut trouver la réponse en combien d'indices, nous autres, on se donne un défi. Trois indices. Je suis sûr qu'à la prochaine, vous allez trouver. Ouais. OK, ou sinon quatre. Camali n'a pas l'air sûr. Ouais. Non, ça sonne un peu électro à la Franz Ferdinand. Oh, électro, OK. Okay. Trois indices, ça marche pas, là. C'est pas... Non, c'est pas radio quand même. Non, leur album? Non, ça vous aiderait? C'est trop facile, ça. Non, trop facile. Son quatre. OK. Son quatre. Ils ont l'air... Son quatre, ça doit être... Copelgag. Et quatre, elle. C'est des gars. Là. Mordicus, c'est pas vraiment électro, ça. C'est pas. Dans leur Ce nom. Ce sont des hommes. Il y a un film très populaire qui porte une partie de leur nom. Ah, un ben film oui. Très tellement. Populaire. Très, très populaire. C'est fort, ça. Les indices sont vraiment solides, hein. Oui, ils sont solides, les indices. Alors, je suis sûr que je peux trouver un titre de film avec tous les noms qu'il y a là. est-ce qu'on peut savoir le côté anglophone ou francophone? Anglophone. Oui, c'est anglophone. Tu vois, je regarde du mauvais côté. Là, je suis perturbé, là. Je me demande si on a déjà eu un groupe du côté anglophone. Ben non. Non, c'est ça, vraiment. Non, mais c'est innove, là. On n'est pas pour vous présenter chaque fois. Ben non, pas de ta même affaire, là, c'est ça. La dernière fois, c'était anglophone, Mathieu. Ouais. Mais, ah oui, t'as raison, c'était... J'ai raison. Elliot Maginot, t'as bien raison. J'ai reparti la musique tellement qu'on a de la misère à trouver. Nomme-les toutes, là. OK, est-ce que c'est pas Pascal Picard? Non. Oui, c'est vrai que Pascal Picard, c'est quatre hommes. Elle a un band autour d'elle, ça s'appelle le Pascal Picard Band. Oui, c'est quatre hommes. Mais je t'aurais dit que c'était une fille. Probablement, c'est une fille, malgré les cheveux courts. Piper. Non, mais on est proche. Piff paf hangover! Ouais! Ok, je déchire. Non, je peux pas déchirer la fin, il y en a juste je déchire, fais semblant de déchirer la fin. Wow! Oui, piff paf hangover ce soir aux soirées cachées. Ou en français, biff baf lendemain de veille. Nous, c'est comme ça qu'on les appelle au Palmarès, c'est fou les voilà. Ah, c'est pour ça. C'est ça. Les indices fonctionnaient pas. Ça marche pas. Mais oui, nous autres, c'est en francophone, là, biff baf lendemain de veille. On est au Québec, là. On traduit ça en français. Wow, piff paf hangover, leur album génial que j'ai juste ici devant moi avec le gars avec des cheveux super équipés. À un moment donné. Écoute, on dirait Jésus. On dirait Jésus. Oh, c'est un Jésus propre. J'aimerais ça qu'il soit là, à soir, puis qu'il se promène. Jésus, ça. Mais c'est pas un gars du band, ça? Tu sais pas, moi je sais pas. Non, je pense non? pas. Non? En tout cas, j'espère pas, parce que je viens de dire qu'il est pas dans le band. C'est ça. Fait que Jésus, il est dans le band. Je pense que Jésus est pas dans le band. Mais je pense que c'est comme leur mascotte. Ah! Jesus! Oh là là! Oh là là! Ben, quand même, moi, je veux plus de détails sur cette soirée-là. Ça se passe au 10-12, j'ai entendu dire. Oui. ça va être placé comment, la salle? Ce ne sera pas la salle habituelle du 10-12, n'est-ce pas, Camélie? Camélie, mais... Non, ça ne sera pas comme d'habitude, mais je pourrais bon, pas c'est encore tout bas, non, te mais dire. Pas plus de détails que ça, c'est ça. Oui, c'est caché pour nous aussi, hein. Nous, on fait ça sur le fly, on botche, puis... on ouvre la porte, puis on fait un show, c'est ça. C'est ça. Ben oui, pas besoin de brancher de micro, puis d'en faire la bande, ça va être un... Mais c'est formule band complet, donc c'est pas quelque chose d'acoustique, c'est quelque chose de band. Ouais. Ça va bouger fort. Ça va bouger, danser. On va être heureux, là. OK, ça va marcher sur l'eau, comme Jésus, j'imagine, aussi. Pas loin. Oui. Ah, j'espère que tu vas changer l'eau en vin. Ben, c'est ça, en vin ou en bière. Oui, j'espère. J'imagine qu'il y a des consommations qui vont être disponibles là. Ah, ben oui. Dans un bar, après tout. Elles ne seront vraiment pas chères depuis les consommations. Pour un prix considérablement peu cher. Ridicule. Ridicule. Vous allez pouvoir vous saouler. Pour un spectacle gratuit. Ridicule. Se saouler avec Jésus. Avec Jésus. Qui a demandé de mieux? Ceci est mon corps. comme les gens disent aux 10-12 d'habitude, les 12 blagues, ceci est mon corps. Oui. Prenez mangez-en tous. Prenez ça de portion. Prenez-en une portion. C'est vrai que tout le monde dit ça aux 10-12. C'est connu. C'est pour ça que je ne vais pas souvent. Ah, donc, on va écouter une pièce de Piff Paff Hangover en vous remerciant beaucoup, Jonathan et Camille. Merci, Camille. On est une belle symbiose. On est presque la même personne. On dirait. Assis sur la même chaise et tout. Oui. C'est oui. Ça, c'est super. Non, merci à vous deux. Et très bonne soirée cachée ce soir. Merci, amusez-vous. Bravo pour ce merveilleux Piff Paff Hangover que vous avez eu ce soir. Ouais. Bravo. Je pense que ça mérite une main d'applaudissement commune. Quelle équipe! Au retour, on achète des choses dans Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Assemblage requis. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes dans la zone 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, c'est toujours à Assemblage requis en ce mercredi 16 avril 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Ah, mais ça, dans quelques instants, ce sera... ce sera sexy, ça ne devrait pas là. Je veux juste vraiment mettre l'accent sur le fait que tu es bel et bien Stéphanie Paradis, contrairement à ce que certains gens pourraient en penser. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de confusion à avoir. Pas juste un peu, je suis très Stéphanie Paradis. Moi, vas-y. Mais jeudi, v'là 2 semaines, OK, il a fallu que je te remplace. Hein? Ah oui. Fait que là, ça a créé de la confusion. Oui, mais c'est au palmarès, ça. Fait, prends un autre micro. Ouais, t'as deux autres micros. Pourquoi tu m'attaques? Je me suis fait taxer. Elle se faisait prendre son micro, Steph, voyons. Ah, mais je l'ai pas ouvert, par contre. Attends, c'est malaisant, j'aime pas ça me faire prendre le micro. Oh! Oh! Ben, ça finit là. Tu prends des micros, toi? Ça va la prendre, ça va la prendre. Parce que c'était le fil. Oh, wow. Le fil de micro. Ah, on écoute une nouvelle entrée de Mange l'ours mange du côté francophone. Voici Nuit blanche sur C'est fou. Bonne idée. Dans vos oreilles. Dormez assez cette nuit. Bienvenue aux soirées cachées. Le sommeil, c'est pour les chefs. C'était une fête, c'était tellement fantastique. Maintenant pour être honnête, c'est dur pour le physique. J'ai toujours le problème, je ne veux jamais arrêter. C'est magnifique quand même, surtout pendant l'été. On a toujours des fêtes avec des invités. Ils ne pensent jamais arrêter, ils veulent toujours continuer. Après c'est tellement grave, les gens le regrettent. C'est comme les marécages, quand tu vas avancer. Oui, c'est excentrique. Je dis vive la fête pour être héroïque. Mais qu'est-ce que nous faisons? Tout le monde est fatigué. C'était très amusant et les gens, ils veulent rester. Ils n'aiment pas le potage, ils n'aiment pas le café. Ils ne pensent jamais arrêter, ils veulent toujours continuer. Après, c'est tellement grave, les gens le regrettent. C'est comme les marécages, quand tu vas avancer. Et moi j'ai pris ma tête dans mes mains et j'ai pensé. Pourquoi j'ai fait cette fête pour tous ces invités? Tous les jours des fêtes, oui c'est excentrique. Je dis vive la fête pour être héroïque. Mange l'ours mange et la pièce Nuit blanche sur leur maxi Loin de l'œil. En fait, non, c'est un album pas mal complet, maintenant que je regarde ça. Pas mal complet et pas mal bon d'ailleurs. Hein? Ok, oui. C'est pas le premier extrait qu'on entend d'eux. Donc voilà pour Mange l'ours mange. Un ours, ça mange tout le temps. Mange l'ours mange, c'est mange. S'il mange, il mange, il dépense. Il achète des affaires sur Internet probablement. Les ours sont rendus vraiment full techno. On sait pas ça, mais ça. Ce qui nous amène à ça existe, ça devrait répondre. Là. Ouais. Pour les meilleures transitions. Mais au moins, t'as une transition. Au moins. Si ça existe, ça ne devrait pas. On l'a, la chronique des gadgets inutiles qu'on achète sur Internet. Et Stéphanie, tu vas m'aider à commenter, bien sûr, tout ça. Bien entendu. Parce que la dernière fois, quand j'ai fait ça, les commentaires étaient un petit peu plates de ma part. Je suis sûr que tu vas rajouter du piquant à ça. Du piquant, peut-être pas, mais c'est sûr que je vais... Je vais essayer de te contredire. De me dire de ne pas acheter ça parce que ça sert à rien. Par exemple, tiens, les imprimantes portatives, portables, c'est rien de nouveau, mais d'habitude, c'est large. Il faut que ce soit au moins de la largeur d'une feuille traditionnelle. C'est du 8,5 par 11 d'habitude. Parce qu'il faut évidemment prendre la feuille de papier dedans. Eh bien, Zuta Labs, Z-U-T-A, résout le problème d'une façon différente. La partie la plus imprimante, la plus imprimante. Oui, en effet, ben, c'est probablement la portion qui imprime. Hein. Fort probablement. C'est ce qui sert à imprimer, donc la cartouche, la tête d'impression. Donc, ils ont enlevé la tête d'impression, ils ont mis ça dans un petit gadget qui ressemble à une puck de hockey, si on veut. C'est un petit robot, finalement, que tu prends dans ta main, qui va sur la feuille de papier sur laquelle tu veux imprimer. Ça utilise des roues omnidirectionnelles pour naviguer sur le papier, une petite cartouche d'encre et une batterie, une pile qui dure jusqu'à une heure de temps. Tu peux envoyer un fichier à faire imprimer de ton ordinateur. Et Zuta Labs travaille aussi sur une application mobile pour envoyer sans fil, sans filament. De ton appareil, donc de ton iPhone à l'appareil. Il y a quand même plusieurs inconvénients avec cet appareil-là à cause de sa grosseur. C'est que ça imprime seulement 1,2 pages par minute. Ouais. Et aussi, la seule unique cartouche d'encre veut dire qu'il va falloir que tu imprimes en noir et blanc, malheureusement. Pas de couleur pour l'instant, mais il prévoit en faire un modèle couleur. Il faut donner environ 180$ américains sur Kickstarter avant le 10 mai pour recevoir un pocket printer comme récompense. Moi, je trouve ça vraiment cool. Mais ça... Même si ça prend une minute à imprimer ta page, c'est pas grave. Si t'en as besoin de cette page-là, on s'entend, tu fais pas imprimer... Tes impôts avec ça. Genre, c'est ça. Non, j'adore l'idée. Mais en même temps, je me sors tellement pas souvent d'imprimante, que je me demande si je laisserais pas ça dans le tiroir et que l'encre finirait par sécher dans ce petit gadget-là. Non, mais c'est sûr qu'il faut que t'en aies besoin. Là. C'est ça. Ensuite, le Nintendo 64, tu te rappelles de cette console merveilleuse, une des plus populaires de Nintendo. Comment oublier? À travers l'histoire. Eh bien, les consoles portables sont cool, elles aussi. Par contre, si on combine Nintendo 64 et consoles portables ensemble, ça donne le Nintendo 64 Mod par bundle. Donc, c'est un case, un truc fait à la main, avec des poignées pour vraiment tenir la console, un écran de 3,5 pouces, des boutons faits personnalisés, donc vraiment à partir de vrais boutons. T'as le stick analogue d'une GameCube au lieu de la Nintendo 64. Tu te rappelles comment le stick de la manette de Nintendo 64 était vraiment pas très bien fait. Il cassait, puis il allait mal pour certains. Il était de moins en moins précis avec le temps. Bref, celui du oui, GameCube. Oui, ça, c'est sûr que ça... Ouais. Donc, La mauve. La mauve transparente, là. Oui, elle marchait jamais. Ouais, je comprends. C'était pas fameux. Bref, il y a un amplificateur et des haut-parleurs à l'intérieur et 4 heures de durée de pile pour cet appareil-là, le Nintendo 64 Mod par Bungle. Le gars, c'est vraiment ce qu'il fait. Il y a une vidéo de la console sur assemblagerequis.com et si tu lui écris et que tu lui donnes un prix, parce qu'il n'y a pas de prix spécifique, là, il va le faire à la main sur demande. Ah, donc, ouais. Tu lui offres, bon, je te donne, je sais pas, 300$, mettons, est-ce que tu peux me faire ça? Il va dire oui ou non, puis il va te l'envoyer. C'est vraiment cool. Ouais, mais il faut aller sur son site web, faire une offre par message privé. L'été s'en vient. C'est pas aujourd'hui qu'on voit ça, mais bon, hein, Justine? Hein? À matin, là, les conducteurs, là, Moses, que vous étiez pas bon. 2 sur 10. La neige revient soudainement. Le on va rester dans le déni si ça vous dérange pas. Je vais continuer à écouter My Heart Go Sha-la-la-la-la. Oh! Ça m'a pris par surprise. Donc, l'été s'en vient, croyez-le ou non, et votre ordinateur portatif, portable, dehors, ben, Colin, des fois, il y a du reflet et tu vois absolument rien de ce que tu fais. Oh mon Dieu! Tellement, tout le temps. Tellement. Donc, source de procrastination. Merci de votre confiance. Il y a du reflet, je vais arrêter de travailler. C'est ça. Donc, si tu utilises ton portable à l'extérieur, ben souvent, tu réussiras pas à avoir. Il vous faut donc le Pixel Sunscreen Version 2.0 dans votre sac de gadgets. Vous allez pouvoir travailler à l'extérieur, peu importe comment il fait soleil. C'est fait de nylon enrobé de polyuréthane et du Ripstop-Tefera. Donc, c'est une affaire qui empêche de déchirer. Et ça bloque complètement la lumière autour de vous. Il y a même un petit truc qu'on peut tirer sur le tissu et ça va aller par-dessus votre tête pour les conditions extrêmes. On suggère ça surtout pour les photographes qui veulent vérifier les couleurs de leurs photos à l'extérieur. Ça fonctionne pour les laptops de 12 à 17 pouces et il y a une ouverture pour pouvoir passer les fils, les câbles, les périphériques, etc. C'est vendu, comme je disais, comme accessoire pour les photographes, mais sinon, ce serait parfait pour n'importe quel à l'extérieur. Ça coûte $85 chez Think Tank Photo. Quand même dispendieux. Pour un morceau de tissu qui a l'air d'une tente, je trouve, c'est pas très beau. Je préfère travailler en dedans. Ouais. Rendu là, là. L'extérieur, c'est pour les autres. Non. Mais quand même, l'idée est quand même pas si pire. Et en plus, si tu regardes, là, je viens de fermer la fenêtre, là, mais il y avait un petit truc pour accrocher des affaires. Il y a des petites pochettes sur les côtés. Un petit truc pour accrocher des affaires. Ben ouais. T'as-tu moins précis? Ben, tu pourrais, mettons des cartons avec une petite pince et accrocher la pince sur le côté parce qu'il y a des petits crochets sur les côtés. Du truc pour empêcher le soleil de passer. Voilà. Ensuite, pour ceux qui ont un iPhone et qui aiment les animaux marins, spécifiquement les animaux marins morts. C'est à peu près tout le monde, ça, hein? Ah, mort. Depuis que j'ai dit mort, c'est moins non, tout le monde. Non, c'est pas tout le monde, ça. C'est ça. La subtilité de ma phrase. Donc, il y a des cases, des études pour iPhone particuliers dans la vie. Ben, celui-là est fait à partir d'un Giant Marine Isopod, donc un isopode marin géant. Isopod, c'est un crustacé de la famille des crevettes et des crabes, nous dit-on. Oh my God. Donc, le Toba Aquarium au Japon a fabriqué 1000 étuis d'édition limitée à partir des exosquelettes de ces créatures de la mer qui ressemblent à des espèces de bestioles de films de science-fiction. On vend les étuis pour $29 chacun. Par contre, il y en avait seulement, je l'ai dit tantôt, 1000 de faits. Donc, ils sont probablement tout vendus. Et on dit que ça prenait $72 pour les fabriquer. Et ils les vendaient $29. Donc, j'imagine que c'est en le faisant à gros volume de 1000 qu'ils ont réussi à faire descendre le prix pour le grand public. Mais c'est n'importe quoi. Tu sais que c'est dit, moi, mon iPhone fit dans cet exosquelette. Hein? Faisons-en en grande... Je comprends pas. Et en plus, c'est que ça va pas dans ta poche ni dans ta sacoche. Ça rentre non, pas les portes. Ça rentre pas les portes. C'est gros, c'est laid. C'est pas gracieux. Puis en plus, dans la vidéo, il y a plein de traces de doigts dans l'iPhone. C'est un iPhone de gars. Mais ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Non, le mien, il est pire. Je pense que n'importe quel iPhone. Le tien, il est cassé. Il dégoûte de graisse de doigts. Yeah! Miam, hein? Ben tiens, si t'as de la graisse sur les doigts ou t'as les doigts humides, tu veux sûrement pas toucher à des affaires électroniques ou électriques, hein, parce que tu vas pogner un choc. Mais si t'es musicien électronique... Un choc électronique. Un choc électronique, comme on dit. Mais justement, tiens, quand t'es musicien ou homme d'électronique ou personne d'électronique, tu veux réparer des affaires ou brancher des trucs. Et t'as besoin de ce kit parfait du musicien ou de l'électronicien. Donc, si tu utilises des instruments amplifiés, que tu sois un DJ, un gars super technologique, le Electronic Musicians Emergency Adapter Kit doit être dans votre sac à dos. C'est un kit qui inclut une variété d'adaptateurs, que ce soit mâle pour les fils audio, femelle encore, un coupleur, un quart et un huitième de grandeur de fil, des jacks XLR, des branchements super compliqués que personne connaît à part si t'es pas dans le domaine, bref. Il y a aussi une petite lumière flashlight LED pour vous aider à trouver votre adaptateur dans le noir sur scène, mettons, lors d'un spectacle. Donc, la petite lampe de poche est fournie. L'Electronic Musicians Emergency Adapters Kit est $30 sur Fractal Spin. Toutes les sortes d'adaptateurs là-dedans. C'est cool. J'imagine que c'est pratique pour les gens dans le domaine. Dans le besoin. Voilà. Ensuite, tiens, un banc sur lequel on s'assoit, mais on ne peut jamais tomber. Hein? C'est le Wobble Stool, un banc ergonomique qui tilte et penche avec vous. Parfait pour ceux qui pratiquent le active sitting. Ça, c'est les gens qui veulent pas être tout le temps assis au même endroit parce que tu sais que c'est pas bon pour la santé de rester tout le temps assis au même endroit. Hein. Je devrais dire ça à moi-même. Surtout en plein milieu de la 40, c'est vraiment pas bon pour la santé. Donc, quand t'es au bureau, tu vas pouvoir bouger ton banc et jamais tomber. Ça tourne. Shake booty. Shake booty. À 360 degrés, la hauteur peut être ajustée aussi. Et le banc est flexible. Un contrepoids pour tout le temps vous retourner à la position habituelle. J'adore. C'est un peu le principe des clowns que tu boxes puis qui reviennent tout le temps. Exactement. Le petit que tu vois, c'est ça, que tu frappes. Oui, exactement. Ouais, je peux frapper la madame sur le siège à la revenir. C'est cool. Hein? C'est $200, c'est un peu cher, mais quand même. Pour l'utilité que ça peut avoir, surtout avec le fait qu'on peut monter et descendre avec, c'est cool. Pour ceux qui ont plusieurs montres, il y a encore des gens qui portent des montres, même si les montres intelligentes sont vraiment plus à la mode que les montres normales en ce moment, mais le Catola del Tempo est un cabinet à crinquer les montres. À crinquer les montres. Tu sais, les montres qu'on crinquait dans le temps pour garder l'heure, c'est ça, pour changer d'heure et tout. Donc, on peut mettre 32 montres à l'intérieur. Ça coûte 76 600 $. Donc, wow. Tu mets tes 32 montres dedans et ça les crinque. Mais c'est super beau, là. 76 000 pièces, 600 $ là, c'est une maison cheap. Oui, une maison cheap. Mais non, c'est cheap, là, mais je veux dire dans le sens qu'une maison... Faut vraiment que tu saches pas quoi faire de ton argent pour t'acheter ça. Non, vraiment. Crinque ta montre à la main. Come on! Si t'en as 32 montres, là, tu vas pas crinquer ça à la main, ça va coûter bien trop cher. Ton salaire en tant qu'homme riche Non, ça t'as-tu qu'un monsieur riche qui a des montres qui se crinquent va pas aller sur Internet? Surtout pas pour s'acheter un Watch Winder Cabinet. Tu juges donc ben! Je le juge pas. Franchement. Mais je pense pas là, que c'est la clientèle cible sur Internet. Elle doit être bien aux résidences. D'après moi, il y a des montres très très fancy qui font à la main, puis c'est encore des mécanismes dedans. D'après moi. Les Rolex. Absolument. Bon, mais si t'as ça, tu tripes ces montres, les vieilles montres à mécanisme, ça veut pas dire que tu vas pas sur Internet. Cassé! Ouais, mais il faut en plus que tu sois genre hyper riche, là, tu sais. Ben oui. Ah ouais? C'est évident. Tu peux être riche, triper sur les montres à mécanisme, puis aller sur Internet. Je crois que Michel Barrette serait ciblé par ce genre de truc-là. OK. Non, mais c'est pas méchant, là. Parce qu'il est vieux. Mais il est pas encore dans une résidence, là. D'accord. T'sais. Il est juste dans la période... Moi, je l'aime bien. D'accord. Moi, tu l'aimes bien, tu l'insultes à la radio. Je l'ai pas insulté. Mais ensuite, tu sais, des masques d'animaux, c'est toujours cool. On voit, tu sais, tout le temps dans les vidéoclips, n'importe quoi. Des fois, tu sais, on voit les gens qui portent une tête de cheval, trucs comme ça. C'est bien, c'est cool quand même, tu sais, les masques. Il y a un renard. Il y a des gens qui ont le fétiche des furries. Dans ce cas-ci, à la place, il faudrait avoir le fétiche du papier pour aimer ces têtes d'animaux-là. C'est les Animal Masks par Soroche. Ça vient avec trois styles différents. Donc, tu as soit l'ours, le renard ou l'orignal. Deer, hein, Steph, tu me corriges à chaque fois. Deer, chevreuil, voilà. C'est pour ça que je te demande. Donc, chacun est fait de papier blanc, 400 GR. J'ai aucune idée, mais c'est du papier super environnemental recyclé. GR, c'est pas grammes, ça? Ben, c'est ce que je pensais. 400 grammes pour une feuille, ça se peut, je sais pas. Peut-être. Bref, peu importe, mais c'est des têtes d'animaux qui sont créées en les pliant et en les collant. Donc, en forme d'animaux. De l'origami qu'on appelle, j'imagine? Ben, pas exactement de l'origami, non. En fait, c'est comme pas littéral. C'est pas une feuille, là. C'est plusieurs feuilles, là. C'est ça, c'est ce que j'en comprends. Il fallait qu'il colle des bouts puis des affaires. Et de toute façon, selon l'article, c'est même précisé qu'on ne sait pas s'il faut le monter soi-même, donc faire la sculpture soi-même, ou si sûrement. Ça vient déjà fait. Mais d'après moi, sûrement, parce que par la poste, on dit ne pas plier, puis il plie, fait que je ne veux pas voir ce que ça donnerait avec ça. Bref, ça vient en papier blanc, et tu peux ensuite le peinturer et décorer ça comme tu veux. Donc, c'est beau. Mais ça ne sert pas à grand-chose. J'aime ça sur le mur. Sur le mur, c'est particulièrement beau. Je trouve ça particulièrement beau. Est-ce que tu penses que la photo a été prise en noir et blanc ou le gars, son décor est vraiment noir et blanc chez lui? Non, c'est vrai. c'est vraiment... Ça a été pris en noir et blanc, je pense. En tout cas. Est-ce que vous aimeriez avoir un capot transparent sur votre voiture? Ah non, j'aurais tellement l'impression qu'il y a un problème dans mon auto. C'est comme une manette. Genre? Les manettes transparentes, là. Comme la manette mauve de la Nintendo 64. C'est ça, il faut faire attention parce que le volant, là, ça se peut qu'à un moment donné, il devienne moins précis puis qu'il pète. Ça, le joystick casse. Donc, ceux qui font du hors-route, là, t'sais, de la conduite tout-terrain, si on veut, des fois, peut-être que c'est plus difficile d'atterrir quand t'es débutant. T'sais, il faut que tu saches exactement où tes roues vont atterrir. Un petit peu d'encouragement visuel, tiens, pourrait vous faire plaisir. C'est Land Rover qui pense qu'une caméra montée dans la grille à l'avant de la voiture... couplé avec un heads-up display, donc un affichage sur la vitre en tant que tel, pourrait donc vous aider à voir la route devant vous. C'est un système qui va virtuellement voir au travers du capot directement sur la route. Un système de visualisation qui va vous montrer où vos roues sont en train de pointer. Présentement, c'est seulement un prototype. Ça va être montré au New York International Motor Show, mais ça pourrait devenir quelque chose de standard, un peu comme les caméras pour regarder comment on recule, qui avant avait l'air juste d'une idée folle et maintenant c'est dans tous les modèles de voitures. Non, mais je comprenais pas quand tu disais « Aimerais-tu ça que ton haut soit transparent? » Je pensais qu'on allait voir le moteur. Ouais, moi aussi. Ça. Ah, okay, c'est pas tant ça. Mais c'est mal expliqué à la façon Mathieu Plante. Là. Tu nous as induit en erreur. Non, mais c'est parce que c'est comme ça qu'ils ont appelé ça. Mais le fait qu'il y ait une caméra qu'on voit en dessous, je trouve ça cool. Oui, c'est mais ça. Mais de voir mon moteur, puis même, je sais pas, mon récipient à Prestone. Ton contenant. Ouais, c'est ça. Ouais. Moins excitant un peu. Tu vois sur un écran ce qui se passe devant la route et ça te dit où les roues sont présentement pour que tu puisses juger de ton jump, de ton saut en voiture. À savoir si tu vas piler sa marmotte morte. La marmotte. Ensuite de ça, tiens, encore une fois, on l'a dit tantôt, l'été s'en vient. Éventuellement, on vous tiendra au courant. Mais votre verre, vous aimeriez pouvoir l'amener dans la piscine. On vous a déjà parlé de quelques petits gadgets pour ça, faits entre autres avec des tuyaux comme les nouilles, tu sais, des espèces de spaghettis qu'on utilise dans la piscine. Celui-là, c'est encore plus cool, c'est le Inflatable Drink Guard Raft. Ça ressemble à une bouée de sauvetage. Ça s'appelle le Drink Guard, genre. C'est marqué Drink Guard sur le côté. Donc, c'est comme porter un petit swim-aid, mais pour ton verre. Oh! C'est super joli. Ça le garde, évidemment, en dessous du en haut du niveau de l'eau, au-dessus, oui, c'est ça. ouais. Les murs sur le côté, les parois empêchent le tout de renverser. Il faut quand même faire attention, évidemment, si quelqu'un fait un cannonball. C'est sûr, ouais, c'est vraiment... ça. Il faut que l'eau soit calme. Exactement. C'est à marée basse de votre piscine. Ensuite, on va à la cuisine maintenant. Les gens qui sont un petit peu obsessifs-compulsifs dans la cuisine vont adorer cette planche à découper, la Obsessive Chef Cutting Board. Idéal pour le cuisinier qui veut que ses coupures, ses cuts soient exactes. Ah oh non, non, ça me prend pas ça, je vais virer folle. C'est clair. Ah, mais c'est vraiment très, très beau. Là. Si vous avez un mathématicien en dedans de vous, là, oui, un petit peu, là, c'est très cartésien. C'est que la planche à découper a des petites lignes affichées dessus, dessinées dessus, et il y a des compartiments. Par exemple, mettons, tu voudrais faire des dés moyens, et bien, t'as des petits cubes dessinés sur ta grille, tu peux mettre ton légume et couper à la ligne. T'as des petits la brunoise, c'est des très très petits. Et ensuite, fine brunoise, c'est encore plus petit. T'as les juliennes fines, les juliennes normales, allumettes et bâtonnets pour faire des tranches de piment, par exemple, de carottes. Donc, il y a des angles aussi, il y a des angles précis sur la planche à découper pour découper le sandwich à l'angle parfait, un peu comme dans les restaurants de sous-marins où ils vont couper en diagonale à la place de couper droit. Pour ben une oui. raison que j'ignore. Mais c'est parce que c'est meilleur. C'est prouvé, je pense, scientifiquement, c'est meilleur. La première bouchée, là, vraiment, là, l'angle aigu, là, ouais. La première bouchée est écœurant. C'est-tu t'assures d'avoir autant de contenu que de pain, alors que la coupe droite, sûrement que tu prendrais une grosse bouchée et tu aurais plus de pain, ce serait pas aussi bon. C'est ce que j'en devine. 9 par 12 pouces pour cette planche à découper, c'est fait de bambou. Donc, durable et éco-friendly. Éco-énergétique. ensuite, un petit peu de barbe... pas trop taillé après quelques jours. Bon, il y en a qui vont aimer ça, il y en a qui aiment pas ça. Des fois, les filles vont trouver que ça leur fait mal à la peau quand on les embrasse. Mais quand même, il y a des gars qui préfèrent porter cette barbe-là de quelques jours. Il y a ici Soft Goat Stubble Softener qui va vous aider à ne pas justement endommager la peau de votre copain-copine parce que c'est hypoallergène et c'est une texture, c'est un pad, bref, qui va adoucir les bouts de vos poils, les arrondir un peu. Ça fait juste ça. Le poil reste là, mais ça va juste comme... pas affilé, le contraire d'affilé, bref. Ça va ciseaux à bout rond, tisé, je te petit pot de beurre riseré. Bref, c'est ce que ça fait. C'est ce que ça dit que ça fait, en fait, pour 12$ pour un emballage de 3 ça sur Amazon. Ça les buffer. OK, fait que tu te frottes la face avec la chèvre. Ben, la chèvre. C'est comme le un petit affaire avec un genre d'élastique qui va autour de ta main. Et c'est comme une genre de petite pierre, si on veut, on dirait. En tout cas, une mousse, si on veut. Ils appellent ça un textured foam pad. Steph, que je te vois pas à la ferme, à la ferme de Pâques avec ton chum en train de te frotter contre une chèvre. Je vais watcher. Non, je penserais pas. T'as faute-tu qu'il y a ta chèvre qui est aussi l'équivalent, c'est la phrase que j'utilise en pour veux-tu accoucher, c'est ta faute-tu ta chèvre? C'est comme ta mais chèvre. Mais pour le gars, c'est là. C'est ça. Pour le gars. Ben la fille aussi la pourrait fourrer la chèvre, mais je veux dire, ça prend plus d'accessoires. On juge personne, on juge personne, Justine. Tu vas commencer à insulter ton ami... Michel Barrette. Michel Barrette. Mais voyons. En tout cas. J'ai pas un fétichiste des chefs. Ah, tu sais pas. Un fétichef. Tu sais pas. Ceux qui aiment goûter à du vin une fois de temps en temps, le vin dépendant, c'est bien cool. Vin de SAQ, c'est une petite coche au-dessus. Mais tu veux essayer quelque chose de nouveau que t'as jamais essayé, mais tu veux pas t'acheter une grosse bouteille parce que tu sais pas des fois que ce serait pas bon. Tu sais, des fois, on sait jamais, tu sais. C'est arrivé juste une fois, ça. Une fois de la SAQ, du dépendant. Ouais, de la SAQ. De la SAQ, OK, quand même. Donc, c'est Winist. C'est un échantillon pour goûter le vin une fois par mois. C'est envoyé à ta porte, évidemment. Et ça a 6 échantillons de 50 ml chaque. Donc, c'est des petites bouteilles. Ou sinon, des 187,5 ml pour le format groupe, le format club, si on veut. C'est des vins choisis à la main de partout dans le monde. Et c'est ça, c'est pour vivre de nouvelles expériences. L'abonnement coûte 20$ par mois. C'est beaucoup plus intéressant que d'autres services qui coûtent beaucoup plus cher que ça et qui vont t'envoyer des bouteilles à chaque mois. Je trouve ça très bien, moi. Winist, W-I-N-E-I-S-T, oui. W-I-N-E-I-S-T. Mais c'est cool, mais... Tu sais, je vois que les bouteilles sont toutes pareilles, elles sont transparentes, oui. Mais y a-t-il quelque chose qui dit c'est quoi le vin à l'intérieur? C'est sûrement un petit dépliant qui vient dans la boîte, d'habitude. En tout cas, si je me fie à Tongs, qui est une compagnie qui fait la même chose pour le café, ils m'envoient un petit carton avec la provenance, l'historique de la, du, j'imagine, du vignoble dans ce cas-ci. Truc comme ça. C'est cool. Ouais, c'est le fun. C'est small in size, big in wines. C'est des shooters, par exemple. Hein? C'est... Ah, vraiment? Ben, 50 millilitres, là, c'est à peu près gros comme ça. Oui, ben oui, à la maison, là, merci, c'est Justine. Gros comme ça. Parfait, wow. Parce là, qu'on là. S'entend, admettons que t'es deux, tu y goûtes, puis il reste plus grand chose. Non, ben il va falloir que t'essaies le format groupe à 187,5 ml, qui est encore une fois pas tant que ça, assez pour, j'imagine, se gargariser un peu la bouche. Ensuite, on parle de guitare pour les deux prochains. Ceux qui ont déjà joué de la guitare un petit peu savent que tenir un pic, ben au début, ben tu sais, à la fin, ça devient facile parce que tu connais ça, mais au début, c'est difficile à apprendre. Tu l'échappes. T'échappes tout le temps ton pic dans le trou de la guitare, etc. Donc, c'est ça. Ça arrive. Pic Max, P-Y-K-M-A-X, espère simplifier un petit peu la tâche pour les nouveaux. C'est une prise ergonomique confortable dans votre main et qui permet de jouer pendant plusieurs heures sans vivre la fatigue qu'on a au poignet, à l'avant-bras et même sûrement au bras complet. Au pouce. Au pouce aussi pour l'utiliser après l'utilisation prolongée. Ça a été testé par plusieurs guitaristes de différents niveaux de compétences et le Pic Max a l'air d'améliorer. J'étais sur l'autopilote pendant cette phrase-là. Améliorer le design précédent des pics de guitare à un coût minimal. Donc, c'est 12$ par pic. Ça vient en deux grandeurs. Et plusieurs plectrum gauges peuvent être sélectionnés. Ça, c'est des gens qui connaissent les guitares qui vont comprendre ce mot-là. J'ai aucune idée ce que ça veut dire. Mais quand même, donc, deux grandeurs et différents plectrum gauges pour votre pic max. Si c'est mou, si c'est dur. C'est ça, les gauges. D'accord, tu vois. Quelqu'un qui connaît la musique. J'aime ça. C'est pas moi, moi ça. Moi, je choisis ça en termes de couleur. T'as beau être mou, t'as beau être dur, si t'es vert flash, je t'achète à 50 cents au centre piano mauricien, piano et d'orgue. Ouais. C'est cool. Piano et d'orgue. Ouais. D'orgue. D'orgue. D'orgue. Le centre de piano et orgue, au pluriel. Tu joues-tu de l'orgue? Non. Ah. Il y a des guitares là-bas. Il n'y a pas de piano ni d'orgue. Absolument pas. Mais il y en a, juste des y a certainement pas autant que chez Long and McQuaid, fier partenaire de C'est Fou. Okay. Steph, il y en a des pianos. Là. Mais là, j'espère. Mais là, c'était, sinon, c'était c'est juste insultant. C'est comme si t'allais chez McDo et il n'y avait pas de clown. Pas de sultan. Donc, on reste dans le domaine des guitares, les filles, avec le fret pen. C'est un crayon. Pardon? Le fret pen. Okay. Le fret pen qui est une guitare à une seule corde. Donc, c'est vraiment un petit passe-temps. Au bureau, vous êtes en train d'écrire quelque chose, vous allez pouvoir jouer de la guitare un petit peu. Donc, seulement 3 frettes et une corde, c'est pas grand-chose. Mais quand même, il y a un petit peu de magie numérique derrière ça. Le fret pen est un instrument de musique pour écrire, mais c'est aussi une guitare connectée à votre téléphone intelligent. Il y a un petit D-pad, donc une croix, comme on dit. Vous permet de changer de corde, même si vous avez juste une corde sur le crayon, le petit D-pad vous permet de changer de corde virtuellement, vous donnant la possibilité de jouer quand même quelques petites mélodies rudimentaires. C'est une campagne sur Kickstarter en ce moment, donc on demande de l'argent sur Kickstarter. On peut aller voir si ça a avancé, si on veut. Bof, hein? Bof. Ça. Bof. En fait, ils sont pas encore en train de la ramasser, l'argent, ça va venir. Il faut s'inscrire pour savoir quand ils vont lancer le projet. C'est combien, ça? Ça va être un Kickstarter, donc c'est pas encore, y a pas encore de prix. Mais achète-toi une vraie guitare rendue là. Ouais, mais au bureau, tu joueras pas de la vraie guitare assise à ta chaise. Pourquoi tu jouerais plus de ça? Parce que c'est fun, ça paraît pas. Mais prends-toi une élastique en robeur. Mais t'auras pas les différentes cordes avec le D-pad. C'est sûr, tu t'écœures au bout d'une semaine, Steph. Ben j'aime. Ben oui, mais ça aussi. Tout. Mais c'est ça, je te dis. Ensuite, des blocs magnétiques. Tu sais, remplir des blocs, c'est vraiment cool. Mais les enfants qui sont très, très jeunes, mais peut-être qu'ils ont un petit ou peu moins d'endurance. Cave ou moi, mettons, tu sais, ont moins d'endurance. Ils sont beaux! Les Tegu Magnetic Wooden Blocks n'ont pas d'instructions pour les utiliser, pas d'écran tactile comme les blocs récents en magasin qu'on trouve. Il y a plein de blocs avec des gadgets en ce moment à l'intérieur. C'est juste votre imagination qu'il faut. C'est des blocs qui sont faits de bois du Honduras, certifié FSC, là, ceux qui coordonnent la biologie et l'écologie du papier. Bref, il y a des aimants à l'intérieur de chacun de ces blocs-là, ce qui leur permet de coller ensemble pour les empiler de façon mais créative. Mais ça a l'air de bien coller, oui. Parce que tu peux les mettre vraiment tête en bas, puis ça tient. C'est ouais, cool. Je pense que c'est quasiment dangereux. Mettons, tu te coinces un doigt entre deux blocs, là. Ça doit être fait pour pas être assez... Moi, je pense pas que ça... Il n'y a pas de plomb, il n'y a pas de plastique, et c'est non toxique, c'est fini avec une peinture à l'eau dessus, donc il n'y a pas de petits morceaux non plus à avaler, absolument rien. C'est parfait pour les jeunes enfants, créativité, imagination, et possiblement une future carrière à la tête Mosby en architecture. Avec un pot de Nutella, là, watch out le chantier de construction. Avec l'annonce Nutella, là. Ah, tu me parles. Le kid, il construit une espèce de construction là, qui va jusqu'à la mezzanine du deuxième étage. Ah, wow! Puis les parents sont comme genre... Parce qu'il est en forme à cause de son Nutella. À cause de son Nutella. Wow. Puis en passant, il contient du glutamate monosodique qui est vraiment pas bon pour le cerveau. Ah, mais bon, achetez-y des tégous à la place. Des tégous? Tégous! À chaque fois qu'on te reçoit, Justine, ça donne comme ça, on a au moins une montre dans la conique, ça existe. Hey, moi, j'avais d'autres questions, c'est cube. Il va falloir qu'on se parle en ronde. Là. On s'en parle, on s'en achète en gang, c'est sûr. En ronde du Ross. Oh! Elle était bonne, celle-là, bien placée. Vraiment pas. Un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Donc, une montre pour les aveugles. Elle hein? crie l'heure. Ben, il non. Il est 1h30! Ça serait une meilleure il idée, en fait. Il est pas obligé de crier, il est pas sourd. Donc, c'est la Bradley, une montre. Ben, elle te l'écrit fort, d'abord. Elle te l'écrit fort en braille. Donc, entre 195 et 275 c'est fait pour être lu par les aveugles, mais c'est aussi assez joli. Dans le fond, le but, c'est ce qu'il voulait faire, c'était une montre assez jolie pour que même un aveugle qui n'a pas, dans le fond... Souvent, le voit pas. Ne le voit pas, mais les autres qui vont le voir vont pouvoir dire « Ah wow, t'as donc bien une belle montre. » Bref. Il y a deux petites billes, ce qu'on appelle des bearings, souvent des petites billes de métal, qui vont tourner autour de la montre. Okay? La boule à l'intérieur, la petite balle va dire les minutes et la balle à l'extérieur va dire les heures. On le voit sur la photo, c'est un petit peu difficile à expliquer là, à l'oral, mais c'est une montre de métal acier inoxydable style avec un petit cerceau au milieu et la bille est dans ce petit cerceau-là. Pour te dire les minutes. Et à l'extérieur du bracelet, complètement, pas du bracelet, mais de la. Comment dire? Du cercle de la montre, vraiment à l'extérieur, là, complètement. Là, t'as une autre bille qui dit les heures. Et tu peux toucher avec ton doigt sur ta montre pour trouver quelle heure qu'il est. Et c'est vraiment très, très bien fait. J'attends. Vrai. Très belle. Ah, oh oui, aussi. C'est cool, c'est beau, c'est pratique. C'est parfait. Ouais, c'est wow. C'est la Bradley, encore une fois, entre 195 et 275 C'est cher payé, mais c'est vraiment bon. C'est moins cher que d'autres montres, genre Citizen Echo Drive, puis les montres Suisse, puis nanana. Mmh, ouais, ou les montres intelligentes, comme celle qu'il y a sur le coin de la table, juste ici, qui attend la fin de l'émission. Pourquoi je l'ouvre? C'est ça que t'as sur le coin de la table. Ouais. Ton c'est gros dur paquet, de me retenir mon gros paquet, ouais. En dessous et sur la table, partout. ensuite, de la crème glacée à saveur de champagne. Okay? Ah! Mais... Oh. Ben, qui contient du Viagra. Oh. Tu me niaises. Tu me voles les scoops avant même que je le dise, mais ouais. Les donc, scoops de, des scoops de ice cream. C'est ça. Oh, ice c'est cream scoop. C'est un jeu de mots. Ah. Wow. Ah. Donc, c'est la Arousal. C'est une crème glacée à saveur de champagne, comme j'ai dit, avec 25 mg, qui est la plus petite dose de Viagra permise. Pas permise, mais dans les pilules de Viagra. La crème glacée développée par Charlie Harry Francis de la compagnie Lick Me, I'm Delicious. C'est les mêmes qui avaient fabriqué. On avait parlé dans une précédente chronique, ça existe. C'est eux qui fabriquaient la crème glacée qui brillait dans le noir à 225 par scoop. Oh my God. 25 par scoop. On s'en rappelle, donc Lick Me, I'm Delicious fabrique maintenant The Arousal, voilà, avec du Viagra, mais ça goûte le champagne, fait que ça. Moi, ça goûte pas le Viagra. Je sais pas ce que ça goûte le Viagra. Mais ça doit rien goûter. Sûrement rien, c'est une pilule, hein? T'as bien raison. T'as bien raison. Ça dépend, des enfants qui goûtent, là. Peut-être qu'ils devraient faire goûter la Viagra, la pilule, le champagne, ça pourrait goûter le champagne. Ça pourrait donner une raison de la prendre. Ben, ça goûte le champagne. C'est pas la seule raison. Tu vois. C'est pas parce qu'elle goûte le champagne, la crème glacée. Là. C'est la seule raison que j'ai besoin. Ne faisons pas d'illusions. OK, on va falloir terminer bientôt. Là. Vous allez me dire quand vous trouvez que ça fait une belle fin de chronique. OK. Il y a un slingshot en bois, le BCX Slingshot. C'est limité, wow. Donc il n'y en a pas tant que ça qui vont être fabriqués. C'est fait à la main. Donc c'est par l'expert Nathan Masters. Ça dit dans son nom, Masters. Il a son nom de maîtrise ou il est maître de quelque chose. Et donc c'est du super beau bois. En forme un petit peu d'une hache, si on veut. Et c'est laminé, super, super bien laminé. Il y a un genre de... Pas un élastique, ben, ouais, un genre d'élastique de 3 quarts de pouce, de TerraBand, qui appelle. C'est fait pour être super solide et durable. Donc, tu peux être confiant que si tu achètes ça, tu vas pouvoir l'utiliser pendant des années. Il y a une petite pochette pour transporter ton slingshot. Je sais pas s'il y a un mot en français pour slingshot. Hein. Tire-roche, quelque chose comme ça. Ouais, un lance-pierre. Un lance-pierre, voilà. J'avais aucun des deux mots. Tire-roche. T'étais pas loin, tire-roche. C'est des synonymes, pas mal, pour les deux. Bref, il y a aussi une petite cible qu'on peut tenir pour donc se pratiquer. Ouais, mais ça sert à quoi? Ben, à tirer des roches ou à lancer des pierres. Ouais, mais... Ou à jeter des je sais pas, il n'y a pas d'autre mot pour roche. Penses-tu que la petite bille, c'est assez pour tuer un zombie? Oh, si ouais. J'en vois entre les deux yeux. Bonne question. Est-ce que c'est aussi fort qu'un BB gun en termes de puissance? Est-ce que tu peux peut-être crever un œil à quelqu'un? Non, je sais pas. Ça pourrait être dangereux. Moi, ouais, ça peut être dangereux, moi, je suis sûr. Ben oui, c'est sûr. C'est clair. Bref, tout ce que tu as à fournir, c'est ton bras et les petites palettes, les petites billes d'acier. Puis de l'argent. Mais il est beau. De plomb. Mais c'est très joli. Voilà, ouais, de l'argent. C'est cher, aussi. Hein? Combien? Hein? 185. Ok, je sais pas. Pièce. 185 boyards. Donc, on finit pas là-dessus. Vous me dites quand finir. Hein? C'est vous qui décidez aujourd'hui. Une autre montre. C'est une horloge atomique, en fait. Il n'y a rien de mieux pour avoir l'heure exacte de nos jours que le National Institute for Standards and Technology, le NIST, et leur nouvelle horloge atomique F2, okay? Qui est super précise et va garder l'heure à une seconde près. L'horloge de la NIST garde l'horloge à une seconde près. À chaque une fois par 300 millions d'années, ils vont perdre une seconde. Savez-vous pourquoi? Pourquoi? Wow. Parce que c'est fait avec l'élément de césium. Je ne sais pas exactement. C'est écrit dans l'article, c'est le césium. C'est le césium. C-E-C-E-M. C'est vraiment cet élément-là qui fait en sorte qu'à chaque seconde, il se passe de quoi avec le césium. Je ne sais pas c'est quoi, là, mais il se passe de quoi que c'est cool. Quantifiable à chaque seconde. C'est génial. C'est merveilleux. Ça, c'est pour l'horloge F2, mais évidemment, tu peux pas acheter ça à la maison. C'est beaucoup trop cher. Mais ils l'ont mis dans une montre. Okay? Donc, c'est le même processus. Ça s'appelle la Cesium-133. Wow. Et comme son nom le dit, ça utilise donc les propriétés du Cesium-133 isotope pour garder l'heure vraiment. Et ça va perdre une seconde cette fois-ci par 1000 ans. Au lieu de 300 millions d'années. C'est pas la même force, j'imagine. Fait que vous avez juste à jamais mettre les pieds à Milan en Italie, puis vous allez être correct. Parce qu'à Milan, il y a quelque chose qui se passe dans l'air. Qui va, c'est ça, ça devient super scientifique, ton affaire. Hein, une c'est seconde... ça. Par mille. Ah, oh, t'es drôle, par mille contre. Mille ans. Voyons, toi, t'es pas vite, non, par exemple. Hey, dis-moi quelque chose que je sais pas, mais je pensais que c'était... Peut-être t'arrives pas, mais toi, tu comprends pas. Hein, en tout cas. Donc, c'est ça. Non, c'était pas drôle, c'était juste intelligent. Ben oui. Seulement 10 de ces montres-là vont être fabriquées, mais c'est probablement une bonne chose. Parce que ça coûte 6 000 $ par montre. Ouch. Ouais. Bon, c'est pas si pire que ça. Là. Je veux dire, il y en a un, là, pour recrinquer cette montre-là, ça va vous lui coûter 76 000 $. Call back. Voilà. Vu de même. Je préférerais ça. Je pense que ça se termine bien là-dessus. Voilà. Là-dessus. C'est tout pour ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, on a vraiment du. Une carotte! Okay. Grosse carotte! Il va falloir qu'on ampute le poste d'écoute si je passe par contre. Donc, c'est un coussin pour votre divan en forme de carotte, 6 pieds de haut. Elle est couchée sur le lit. Au bas du divan, au lit. Non, mais l'autre après, elle est comme couchée. Elle a full d'attitude. Ah. Oh my God! C'est le rêve donc de tous les lapins et c'est ça, c'est juste un coussin en forme de grosse carotte. Mais là, c'est hot, pour vrai, je la veux. Combien c'est, ça coûte? C'est carotte. 88$. J'ai fait un jeu de mots de carotte avec hot, là. C'est bien correct. En tout cas. Mais j'aurais jamais de grosses carottes. Et vraiment, le bout, il est tout croche. Ah. Oui, il y a une petite curve naturelle dedans. Une petite curve naturelle. Wow. 88$ en effet. Est-ce que je peux arrêter là? Ah, ouais. OK. J'aurais pu dormir avec une grosse carotte. Les trois autres attendront à la prochaine fois. C'est tout pour ça existe, ça ne devrait pas. On a tous les liens sur assemblagerequipe.com, bien sûr. Comme toujours, sélectionnés à la main par moi-même. On prend une pause au retour. C'est le poste d'écoute avec Stéphanie Paradis. Puis on va peut-être parler de carottes. Peut-être. C'est grosse carotte. Ouais. Vous êtes dans la zone 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui, il reste environ une quinzaine de minutes à l'émission d'aujourd'hui. Un petit peu plus que ça, on a commencé tard, on va sûrement finir un petit peu plus tard. Mais oui. Ben oui, on va se le permettre quand même. On est de même, nous autres, des vrais rebelles. C'est pas fou pour rien, ça. C'est fou, ça. Hein? La station de radio. Ce qui nous amène aux deux semaines, en fin d'émission de mercredi, à une chronique de découverte musicale. Et c'est Stéphanie qui nous la présente. Donc voici le poste d'écoute d'Assemblage Requis. Poste d'écoute! Bienvenue, Mathieu! Hey, merci de m'accueillir dans ce poste d'écoute! Bienvenue, Houston! Houston, on n'a pas de problème! Non, jamais de problème avec moi! Ah, Mathieu, qu'est-ce que je te présente aujourd'hui? Je sais pas! Au poste d'écoute, le poste d'écoute, la chronique pour laquelle je fouille dans les nouveaux arrivages assez fous! Bien, aujourd'hui, écoute. Un petit coup de cœur, j'ai eu beaucoup de difficultés à choisir. J'avais vraiment trois noms, là, vraiment. J'ai hésité beaucoup, mais je pense que... Oh oui, c'est rare là, qu'il y ait des finalistes, des nominations, puis tout. Des mentions spéciales. Ouais, c'est ça. L'orchestre qui joue, tout ça. Mais là, je pense que je suis allée avec cet album-là parce qu'il y a une licorne dessus. Okay. Donc, c'est quand même très épuré. Là. L'album, il est tout blanc. Et en plein milieu, t'as une belle photo avec une licorne. Finalement, c'est un cheval avec une corne dans le front. Mais c'est pas un dessin, là. C'est vraiment une photo. Là. Oui, oui. OK? On aime okay. ça. L'angle de la photo fait vraiment justice à au cheval licorne. Oui, ça y fait pas de double menton. Non. Mais c'est pris par en dessous, hein, comme il conseille de faire, oui. ça. Hein? Par en dessous, la caméra. Il y a vraiment contre-plongée. En contre-plongée, c'est bien dit. C'est blou-blou. Contre-plongée. Donc. Donc, je vous parle aujourd'hui de Wonderkind, qui est l'album de Language Arts. Là, je m'excuse déjà pour mon anglais. Là, je vois les titres de Toon qui s'en viennent. Puis je vais peut-être dire à Justine de prononcer les titres de Toon. Oh mon Donc, Dieu, oui, il y a beaucoup de mots dedans. Ah, c'est terrible. Donc, Language Arts, c'est un groupe torontois formé de Kristen Cudmore à la guitare et à la voix, Neil McIntosh, la pomme, à la batterie, Joël Visontin au clavier et Suren Nissen à la basse. Donc, l'univers de Language Arts marie brillamment les émotions brutes de Kristen Cudmore dans un éventail étourdissant de styles musicaux tels que l'indie pop, le hip-hop et le rock progressif. Oh. Donc, je vous en dis pas plus pour l'instant. On s'en va déjà entendre une première pièce. Et c'est Building a Mountain with Our Bare Hands. J'ai écouté ça dans le poste d'écoute d'Assemblage Requis. Je pense que ça va être bon. Je te le souhaite bien. Hein? Sinon, je suis mis dehors. Ta cote est bonne jusqu'à maintenant. OK, dire. OK. Ouais. Your name. Wonderkind de Language Arts. C'est bon! Et on a commencé le bloc avec Building a Mountain, We Are Our Bare Hands. Beaucoup trop beau pour moi. Puis, ouais, t'aimais ça? J'ai beaucoup aimé ça. C'est pas pire? Vraiment, je pense que la première que tu nous as fait jouer, j'imagine que tu l'as choisie parce que c'est ta préférée. Non, ben non? Pas nécessairement. Je te dirais, c'est très difficile de choisir une préférée. Je pense que les quatre que j'ai choisies sont pas mal toutes égales. OK. Donc, ça veut dire qu'il nous en reste encore deux et que ça pourrait être encore meilleur. Donc, essayons voir. Ouais, on sait jamais. Donc, un peu plus d'informations sur Language Arts, en fait, sur le membre principal qui est Kristen Codmore. Kristen avoue s'inspirer, entre autres, d'artistes tels que Beck, Stereolab, Grizzly Bear et The CN Cake. L'album Wonderkind était produit par Daryl Neudorf, qui a entre autres collaboré avec Nico Case, qui était sur le palmarès il n'y a pas si longtemps que ça, sur le palmarès anglophone, assez fou. J'ai regardé un peu leur Facebook et pour vous donner une petite idée de la personnalité, de l'essence du groupe, qu'est-ce qu'on retrouve sur leur Facebook, tu crois? Des licornes. Des licornes? Ben oui. Donc oui, on trouve des licornes, des biscuits au quinoa fait maison et Sprout, le petit chien fort probablement de Kristen Colmore. Donc c'est plein de photos de petits chiens, de licornes. Sprout. Et des biscuits. Donc voilà, on peut déjà retourner en musique. Qu'en dis-tu? Ben j'adore ça, j'ai hâte d'entendre les deux autres. Donc j'ai hâte de savoir ça va être quoi ton coup de cœur dans les quatre pièces. Mais pour l'instant, on s'en va entendre. Oh! Tangible World! C'est le poste d'écoute de Sondage Rocky. Savage Arts avec What If It Were To Be Reworked. Et on a commencé le bloc avec Oh, Tangible World. Ah oui. Donc, on a entendu, oui, quatre pièces en tout. Moi, la première reste encore ma préférée. C'est ce que je voulais dire. Donc, Building Mountain, We Are Bare Hands. Exactement. Toi? Et non, Bare Hands, là, comme des mains barbues. Barbues. Wow. Non, j'aime ça. En tout cas, c'est sûr que ça va finir sur le palmarès à un moment donné, ça, je pense. On va suggérer, en tout cas. Moi, je pense que c'est la dernière, ma préférée. OK, parfait. Mais tu sais, sa montre sont tellement bonnes, c'est difficile de choisir. Je pense que l'album forme un tout qui s'écoute bien. Un à la suite de l'autre. Dans l'ordre. Voilà. Mais non, c'était dans le désordre, moi, là. C'est vrai, c'est vrai. C'était tout s'enchaîne bien, je pense. Est-ce qu'il y a un endroit pour écouter ça dans le bain, peut-être? Ou... Non. Non, juste n'importe où. Dans la vie de tous les jours. Donc, c'est Language Arts et l'album se nomme... Waterkind. J'allais dire Warkender. Warkender Surprise. Le poste d'écoute, on fait ça les mercredis aux deux semaines en fin d'émission. Oui. Et c'est toi qui filtre la trollée de disques qu'on reçoit, c'est fou. Ouais, puis c'est difficile là, parce qu'il y a bien du bon stock. Ben, bravo pour ton choix. Ah ben merci, je suis contente que t'aimes ça. Language Arts. Nous, ça va être la fin d'Assemblage Rookie pour cette édition. On va se retrouver demain. Ben, avant de se quitter, il faut remercier Justine Renaud qui était avec nous. Ben oui, toute émission. Ben oui, Caroline, elle vient juste de partir, juste avant la fin de l'émission. Demain, François Landry va venir nous jaser de politique dans son segment Adoré Logocratie 101. On vous dira comment mieux vivre votre vie dans la chronique Les Instructions d'Assemblage. Et on va ouvrir très grand la bouche pour terminer la semaine avec la bouffe et la malbouffe de la semaine en toute fin d'émission. C'est l'émission de demain, jeudi matin, entre 6h30 et 9h30, en direct à 7h30. Miam, miam, miam, miam. Miam, miam, miam, comme on dit. Aujourd'hui, assez fou, évidemment, Dîner de con s'en vient à 11h. Ensuite, Hors Zone, musique alternative. Génie en liberté avec de l'actualité et de l'information. À 16h, une édition spéciale Chiptune du Mathieu Planchon. Donc, soyez-y. À 17h, Le Voyage de Célèbre, 18h, Rapologie. 19h, Les Audacieuses, c'estfou.ca. Pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusion. Passe une belle journée, Steph. Passe une belle journée, Mathieu. On se quitte très rapidement avec une dernière petite pièce de Pif Paf Hangover qui va être au soir et caché, c'est fou, de ce soir. Oh! 22h10-12. On écoute c'est la quoi, chanson. C'est quoi cette heure-là? 22h10-12. C'est bizarre. Hein? L'endroit est le 10-12 Néré-Beauchemin de l'Université et de Québec-Montréal. Et l'heure, c'est 22. 22h, heure de l'Est, avancée, je pense. Je pense que c'est l'heure avancée, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Oh, c'est bon, ça n'a pas été facile. Donc, la pièce de Pif Paf Hangover sur leur album Curry Love, voici Staccatacata. À demain.